bon jeu. La Rouen est une école de langue spécialement pour ceux qui voudront découvrir leur langue idéale. Et dans le cas de ceux qui ont déjà trouvé, poursuivre leurs études dans cette langue afin de parvenir à une meilleure compréhension de la langue en question. Le centre linguistique La Rouen est spécialement personnalisé pour chaque groupe d'étudiants ou de programmes en mode individuel, continue et afin de soutenir tous les élèves appartenant à la famille La Rouen, le centre linguistique est dans le changement et le développement constant, de fournir aux étudiants le droit dont ils ont besoin avec des cours individuels et collectifs, anglais, français, italien et espagnol pour étrangers.